Chapitre 14. Les heures sont lentes pour celui qui attend, bien plus encore lorsqu'il est mécontent de lui-même et des autres. Juste André trouvait les journées interminables et les soirées plus longues du double. Le soir du 5e jour après le départ de Rose, ne pouvant plus supporter la solitude, il alla timidement sonner à la porte du docteur Langlois, afin d'avoir des nouvelles de la jeune mère et de son bébé, ou, pour parler plus franchement, pour secouer sa mélancolie en parlant de choses étrangères à ses préoccupations. La lumière grise des beaux soirs de juin éclairait vaguement le salon où il fut introduit. Tout était remis en ordre, et des fleurs fraîches, sans parfum, noyées dans une sombre verdure, garnissaient les angles et les consoles. Langlois vint à la rencontre de son ami. « C'est gentil, à toi de venir, » dit-il, « bien qu'un peu tard. Nous disions que tu nous avais oubliés. » « Peux-tu le penser ?» fit André avec quelque gêne. « J'étais longtemps sans venir, c'est vrai. J'ai eu des ennuis. » Langlois le savait. Florence était venue le voir sous prétexte de consultation et lui avait demandé de son cru un traitement pour sa maîtresse. Il avait répondu que Mademoiselle Sorel se portant désormais à merveille, aucun traitement n'était nécessaire. La vieille bonne s'était retirée comme quelqu'un qui a encore beaucoup à dire, mais le docteur était si peu encourageant qu'elle n'avait rien osé hasarder. « Veux-tu venir par ici ? » dit-il à l'ingénieur en se dirigeant vers la chambre de sa femme, dont la porte était restée ouverte. C'est par là que Juste avait vu dans un rayon de soleil la douce apparition qu'il avait hantée tout un jour. Il entra, précédé de son ami, et sous la lumière de l'abat-jour, auprès de la jolie tête un peu amaigrie de Madame Langlois, il revit Marguerite, penchée sur un ouvrage d'aiguille. Le charmant profil se découpait finement sur le fond sombre des rideaux. Les cheveux, cendris le jour, se doraient à la lumière jaune de la lampe, et tout ce visage de 16 ans prenait un air sage et reposé qui en faisait une fête pour le regard. André le sentit tout de suite. Il lui importait peu que Marguerite fût belle, pourvu que l'ensemble de cette aimable figure satisfît ses yeux d'artiste, et vraiment, de plus fins connaisseurs eussent été charmés. « On m'a permis de me lever », dit Claire Langlois de sa voix d'enfant, un peu affaiblie et très musicale. « J'en abuse pour ne plus vouloir entrer dans mon lit, vous le voyez, monsieur André, et cela me procure le plaisir de vous voir. Bébé va bien. Ma sœur m'a dit que vous l'aviez trouvé gentil. C'est une douce flatterie pour gagner le cœur de la maman, mais je vous en remercie tout de même. » André regarda la jeune fille en souriant. Elle avait levé la tête, sous la même impression, mais en apercevant les yeux du jeune homme fixés sur elle, au souvenir de cette seconde où ils étaient restés muets, penchés sur l'enfant, une rougeur subite envahit jusqu'à son cou et ses mains fluettes frémirent légèrement. Le jeune homme s'assit dans l'ombre sur un tabouret au pied de la chaise longue où reposait Madame Langlois, et de là, tout en répondant à ses amis, en les questionnant à son tour, il laissa ses yeux se reposer sur le doux profil, sur les cheveux dont la nuance était si tendre, sur les doigts agiles, enfin sur toute l'attitude à la fois appliquée et pleine de chaste abandon de ce jeune corps souple qui semblait l'image de la pudeur. « Je ne me connaissais pas de sœur, » dit André à Madame Langlois, au moment de se retirer. « C'est parce que nous la cachions soigneusement, n'est-ce pas, Marguerite ? Ma mère avait déclaré qu'elle ne nous sortirait du couvent qu'une à la fois, afin de nous marier sans confusion de quoi que ce soit, de trousseau, de noces, même de mari, n'est-ce pas, Charles ? » Tout le monde riait. La jeune fille tourna vers sa sœur son joli visage couvert de rougeur, avec une expression de muette prière. « Il n'y a pas de mal à parler mariage, » continua impitoyablement Claire, qui s'amusait de cette timidité. « Ça t'arrivera tout comme à moi. Il faut bien se préparer à cette idée effrayante quand on a 16 ans et demi, n'est-ce pas, monsieur André ?»« Il faut toujours être préparé à toutes les éventualités, madame, » répondit l'ingénieur d'un ton si sentencieux que Madame Langlois éclata de rire et que son mari considéra André avec plus d'attention. Il parle comme un homme menacé du glaive du bourreau, fit Claire. Et toi, comme une petite folle qui va se rendre malade à force de dire des bêtises, repartit le docteur. Allons, ma sœur Marguerite, vous qui êtes sans contredit la plus raisonnable des deux, aidez cette jeune espiègle à rentrer dans son lit. Tu le vois, Marguerite, répliqua Madame Langlois sans cesser de rire. « Méfie-toi de l'air doux des prétendants. Avant le mariage, ils sont soumis comme des agneaux. Et après, quels affreux despotes ! d'ailleurs, avant comme après, plein de pièges, et l'on ne sait jamais tout ce qu'il nous cache. » André échangea un regard avec Langlois, et celui-ci frémit intérieurement. On a beaucoup plaisanté au sujet de ceux qui, soi-disant, ont des cadavres cachés dans leurs armoires. Mais un homme qui garde un secret dont la découverte affligerait un être qu'il aime n'est pas dans une situation beaucoup moins embarrassante. Les deux hommes se retirèrent dans le cabinet de Langlois où ils allumèrent un cigare, et après quelques paroles, ils restèrent silencieux et un peu embarrassés. « Rose est partie ?» demanda Langlois, craignant de paraître éviter ce sujet de conversation. « Oui, » répondit André. Après un silence, il ajouta « Je lui ai proposé de m'épouser. » Langlois réprima un grand mouvement. Mieux que personne, il connaissait la jeune femme. Moins que tout autre, il pouvait en parler librement. « C'est une grosse partie à jouer, » dit-il enfin. « Le mariage est un engagement sérieux que j'ai réfléchi avant, » se dit André, pour couper court à des reproches qu'il prévoyait. « Soit. Elle accepte ? Non. Elle veut voir si elle peut quitter le théâtre sans trop de regrets. « C'est assez naturel, » fit observer Langlois. André pensait en lui-même que si Rose l'avait aimé, le théâtre eût pesé peu de choses dans la balance. Mais il ne dit rien, et le silence régna dans la pièce sombre. « Tu penses que j'ai fait une folie ?» dit enfin l'ingénieur, incapable de supporter ce qu'il appelait l'indifférence de son ami. « Je ne puis ni te blâmer ni t'approuver, » fit le jeune médecin d'un ton froid. « Tu connais seul les circonstances qui t'ont poussé à prendre une semblable résolution. « Mais toi, » insista André, « si tu avais été à ma place, amoureux de Mademoiselle Sorel, libre de tes actions, l'aurais-tu épousée ?» Langlois eut grande envie de répondre non, mais il se retint. « Comment veux-tu, » dit-il évasivement, « que je me mette à la place d'un jeune ingénieur amoureux d'une comédienne ?»« C'est vrai, » soupira André. « Tu es à l'abri de ces orages, toi. Tu as toujours eu une famille pour te conduire, t'élever, te morigéner, te marier et tenir ton fils sur les fonds de baptême. Tu n'as pas de place dans ton existence pour les passions violentes. Sans compter que ma profession m'impose une vie régulière et m'interdit les émotions inutiles. » Conclut Langlois avec une fine pointe d'ironie que son ami sentit pourtant, car il leva la tête et le regarda d'un air inquiet. Mais l'apparence calme et grave du docteur bannissait toute idée de raillerie. André retomba dans ses préoccupations. Peu à peu, tandis qu'il parlait de choses et d'autres, pour cacher ses véritables pensées, il vit se dessiner de nouveau devant lui le profil charmant et les cheveux dorés de Mademoiselle Marguerite. « Tu as une bien charmante belle-sœur ? » dit-il à son ami, ramené ainsi à des objets plus voisins de lui que la fantasque rose. « J'en ai trois comme cela, mon cher, » fit Langlois d'un air enchanté. « Un véritable fil de perles que toutes ces petites marguerites, dont ma femme est l'aînée. Elles se suivent à 2 ans d'intervalle, plus jeunes, plus jolies, plus mignonnes les unes que les autres. Pourvu que le ciel clément m'accorde d'aimables beaux-frères. Elle va rester longtemps chez toi ? Je l'espère bien. Ma belle-mère, une excellente personne, mais un peu bizarre, s'est mis en tête d'aller faire une tournée dans le Midi, chez une collection de parentes à héritage. Elle trouve ses filles insuffisamment dotées, quoique sur ce point je ne sois pas de son avis. Et elle veut leur assurer les magots respectifs de ces vénérables dames. Les autres fillettes, 11 et 13 ans, sont au couvent, et nous avons Marguerite pour un temps indéfini. Vous êtes bien heureux de posséder dans votre maison une aussi aimable personne, dit André. Certainement, affirma Langlois. L'ingénieur ne trouvait plus rien à dire. Il s'en alla, après avoir cordialement serré la main de son ami pour réparer ce que sa conversation avait pu montrer de réserve inaccoutumée. Tout en rentrant chez lui, à pas lents, Juste se demanda comment il se faisait que son projet de mariage avec Rose eût eu le résultat d'établir entre ses amis et lui-même une froideur presque douloureuse. « Bon, » pensa-t-il, sans vouloir creuser la question plus avant, « il doit toujours en être ainsi quand on se marie. » Et l'image des 3 futurs beaux-frères de Langlois se manifesta à lui sous la forme de 3 messieurs corrects auxquels on ne trouverait rien à redire et que l'on prendrait en grippe à première vue.